Hello, moi je voulais te féliciter pour tout ce que tu fais en ce moment, mon frère. Et encore, j'aurai l'occasion de te le dire, Inch'Allah. Et puis, beaucoup de courage pour la suite, frérot. Ciao. Allô? Eh merde, c'est le répondeur, merde. Allô, Moha, je sais pas. Putain, bon, à mon avis, tu dois être encore en train de boucler l'album. Bon, ben, je voulais te dire félicitations pour l'album, ça fait plaisir, t'as rien lâché. Franchement, t'as suivi mes conseils, t'as vu? Tu vois, quand on tient, on peut. La famille, c'est comme ça, à la bien, cousin. Franchement, parti de rien. C'est comme ça que ça se passe, et franchement, nickel, quoi. Bon, allez, vas-y, je te laisse. Appelle-moi. Allez, c'est Sopra. Ciao, ciao. Allô, Moha, c'est Chill. J'espère que tu vas bien, mais juste un petit soutien pour ton album Parti de Rien. Comme à l'époque du freestyle à la radio quand j'avais tout bousillé et qu'on était au Maroc, ben continue mon frère et vraiment pour te dire qu'on est là, on est avec toi, on représente MARF pour la vie. Parti de rien, le destin m'a donné ma chance, à moi de la saisir et de prendre une longueur d'avance. Dorénavant, je taffe pour accomplir mon rêve, j'ai cru en mon étoile même si la lueur était brève. Parti de rien, le destin m'a donné ma chance, à moi de la saisir et de prendre une longueur d'avance. Dorénavant, je taffe pour accomplir mon rêve, j'ai cru en mon étoile même si la lueur était brève. Parti de rien, j'ai commencé le rap à 17 piges, je trouve des jeux de mots faciles à l'époque, je suis un peu dyslexique. Certains supportent, d'autres sous-estiment, un peu plus tard ceux qui critiquent écoutent et se prennent tous des gifles. Que des freestyles de rue en petite équipe, certains grands du quartier ont réussi et vendent des milliers de disques. J'aime cette musique, les choses qu'elle revendique. J'ai pas l'intention de devenir une star, pour moi c'est juste un kiff. J'écoute Ayam, FF et La Chronique, Venin, le troisième œil, le carré rouge, les psychiatres de la rime. Quelques têtes manquent, courage, ça fait plaisir. Le rap m'a vu grandir, j'ai une opportunité à saisir. Quelques concerts dans des salles presque vides, chaque micro ouvert, je me dis nique sa race, il faut que je fasse le beat. J'ai continué à rapper, phase et taf et gratter le papier toutes les soirées afin de laisser mon nom gravé sans m'égarer. Le destin m'a donné ma chance, à moi de la saisir et de prendre une longueur d'avance. Dorénavant, je taffe pour accomplir mon rêve, j'ai cru en mon étoile même si la lueur était brève. Parti de rien, le destin m'a donné ma chance, à moi de la saisir et de prendre une longueur d'avance. Dorénavant, je taffe pour accomplir mon rêve, j'ai cru en mon étoile même si la lueur était brève. Avoir beaucoup de talent, pour s'en sortir c'est la galère. J'ai fait ça par amour, pas pour croquer dans la galette. Très vite l'école ne m'intéresse plus, en cours je gamberge à des métaphores qui peuvent enrichir mes mesures. J'ai quand même eu un BEP et un bac STT. J'ai aussi fait des missions d'intérim en BTP. À la maison, les fins de mois sont difficiles. Ma seule raison c'est un pour la famille, deux pour la rime. À chaque ligne je représente pour les miens quoi qu'il arrive. J'ai beaucoup à apprendre, certaines personnes me sollicitent. Quand il se passe rien, je comprends vite que c'est pas facile. Je me bouge le cul, je prends le train en frotte pour des plans sur Paris. Toujours la dalle, j'hésite pas à me déplacer. Avec après processus verbal c'est démarqué. Les potes apprécient, c'est les parce que ce que je raconte c'est notre quotidien sans mise en scène. Parti de rien, le destin m'a donné ma chance, à moi de la saisir et de prendre une longueur d'avance. Dorénavant, je taffe pour accomplir mon rêve, j'ai cru en mon étoile même si la lueur était brève. Parti de rien, le destin m'a donné ma chance, à moi de la saisir et de prendre une longueur d'avance. Dorénavant, je taffe pour accomplir mon rêve, j'ai cru en mon étoile même si la lueur était brève. Le plaisir s'est transformé en soif de réussir, les salles vides commençaient à se remplir. Je m'investis à fond dans mon écriture, y'a très peu d'ouverture. Ma plume a un goût d'amertume, c'est hyper dur, les années passent. Le circuit underground, moi je connais que ça. Je rêve de ballon d'or sur un banc de CFA. Une vision sale du goût de l'époque, avec un brise-glace près de la fenêtre, je vais pas attendre qu'il m'ouvre les portes. J'ai attendu après personne, je fais mes trucs à fond. Je récolte le fruit de ma passion sans préoccupation. L'horizon se rapproche, j'y vais avec motivation, en espérant que chaque prestation donne bonne impression. Il y a à peu près un an, j'ai décroché une signature. Une nouvelle page s'est ainsi greffée à mon aventure. Je ne sais pas de quoi sera fait demain, voilà pourquoi j'ai appelé mon album Parti de rien. Parti de rien, le destin m'a donné ma chance, à moi de la saisir et de prendre une longueur d'avance. Dorénavant, je taffe pour accomplir mon rêve, j'ai cru en mon étoile même si la lueur était brève. Parti de rien, le destin m'a donné ma chance, à moi de la saisir et de prendre une longueur d'avance. Dorénavant, je taffe pour accomplir mon rêve, j'ai cru en mon étoile même si la lueur était brève.